بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 11 du mois Al-Muharram de l'année 1445, correspondant au 29 juillet 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série dont le sujet est l'athéisme, la religion des athées. Et justement, par rapport au fait que l'athéisme est une religion, il y en a qui peuvent, yani comme certains se sont posé la question, est-ce que l'athéisme est une religion? La réponse, oui. Et ça, c'est quelque chose que les athées ne peuvent pas supporter. Qu'on décrive l'athéisme comme une religion. Pourquoi nous disons que l'athéisme est une religion? Il ne faut pas hésiter à la décrire ainsi, car c'est quoi la religion? Bien évidemment, si vous revenez à certains dictionnaires comme The Oxford Dictionary, où vous allez trouver qu'ils ont une définition simpliste de la religion. Ils disent que la religion, c'est croire en un Dieu et lui vouer des adorations. Et ça, c'est très réduit comme définition de la religion. Dans d'autres dictionnaires, anglais également, et autres, vous trouvez une autre définition de la religion, comme quoi la religion, c'est l'ensemble des convictions et des croyances selon lesquelles la personne mène sa vie, selon lesquelles la personne vit. Donc, c'est ça la religion. Et ça, c'est une bonne définition de ce que c'est une religion. C'est pour ça, nous, notre religion, elle gère toute notre vie. Et on revient à notre religion dans tous nos actes. Et dans toutes nos paroles, on revient à notre religion. Et selon cette définition, ne pouvons dire que l'athéisme est une religion, car ce sont des convictions et des croyances selon lesquelles la personne vit. Autrement dit, la religion, ce sont des convictions et des principes ou des croyances qui permettent à l'individu de répondre aux questions existentielles. Aux questions existentielles, notamment la question de l'origine, la question de l'identité, la question de la moralité et le mode de vie, comment on doit vivre, et aussi la question de la destination finale, ce qu'il y a après la mort. Donc une religion, c'est ce qui te permet de répondre à toutes ces questions. Et d'autres, parmi les questions existentielle que tout individu se pose. Et c'est pour ça d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la pratique de Quraysh comme étant une religion. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla dit لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Donc c'est ça la signification de la religion. Et c'est pour ça l'athéisme, effectivement, c'est une religion. Car ça englobe tous ces principes et toutes ces cohérences qui gèrent la vie de l'athée. Et aussi une autre façon d'aborder la question de la religion, en plus de ce qui a été dit. Donc, la religion, ce sont des principes et des convictions et des croyances. Étant donné que ce sont des principes et des convictions, elles peuvent être justes, ces convictions, comme elles peuvent être fausses. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc chacun d'entre nous, il vit, il mène sa vie selon des convictions et des principes et des croyances. Et ces croyances peuvent être fausses comme elles peuvent être justes. Et chacun de nous a au fond de lui un sentiment de responsabilité. Chacun de nous sent qu'il est responsable de ses actes. Il n'y a que le fou qui n'est pas responsable de ses actes. Donc ce sentiment de responsabilité et cette réalité que nos convictions peuvent être fausses ou justes, et c'est ainsi que la personne se comportera dans sa vie, ça c'est le sens de la religion. Donc il y a des actes basés sur des croyances et des convictions qui peuvent être bonnes ou mauvaises, qui peuvent être justes ou fausses, et on est responsable de nos actes, donc nous allons devoir rendre compte par rapport à nos actes. Et aussi, il y aura une rétribution de chacun selon ses actes. Il y aura une rétribution de chacun selon ses actes. Ces notions-là, tu les trouves chez tous les humains, sauf celui qui veut s'aveugler devant la réalité. Chacun de nous a ces sentiments-là. Ce sentiment du bien et du mal, ce sentiment de la responsabilité. Et s'il n'y avait pas de rétribution, et il n'y avait pas de jugement après la mort, pour quelle raison la personne ne va pas délaisser le mal ? Et pourquoi elle va faire le bien ? Et les questions, si on veut citer toutes les questions existentielles auxquelles répond la religion, elles sont au nombre de 5. La première de ces questions, comme j'ai dit, c'est la question de l'origine, c'est-à-dire d'où on vient. D'où on vient ? L'origine de l'homme, l'origine de l'univers, du monde, de tous ces animaux, de toutes ces espèces extrêmement variées, d'où vient-on ? La deuxième question, c'est la question de l'identité. Qui sommes-nous ? Et la troisième, c'est la question du sens. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? Quel est le sens de notre vie ? Et la quatrième, c'est la question de la moralité. Comment on doit vivre? Et la cinquième, c'est la question de la destination. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Donc toute personne doit se poser ces questions-là et doit trouver des réponses. Et Allah nous a créés d'une manière à être capables nous-mêmes de parvenir à ces réalités. Il a placé en nous une prédisposition, une capacité et des outils qui nous permettent d'arriver à la vérité par rapport à tous ces éléments-là d'une manière rationnelle. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait qu'on a un raisonnement rationnel ? D'où ça vient ? Pour revenir à la question de la matière et du matérialisme auquel croient les athées. Pourquoi l'homme a un raisonnement rationnel ? D'où vient ce raisonnement ? Je disais que l'athéisme est bel et bien une religion. Donc dans chaque religion, vous trouvez qu'il y a des piliers fondamentaux. Et le pilier fondamental dans la foi des athées Et n'oubliez jamais que je parle d'un athée qui comprend son athéisme et qui est en cohérence avec son athéisme. Je ne parle pas d'un athée qui a été induit dans cet égarement par des phénomènes de société ou des phénomènes médiatiques qui l'ont poussé dans cette croyance. Il ne sait rien de tout ce qu'on a dit là. Il n'est pas capable de répondre à quoi que ce soit. Ça, c'est quelqu'un qui a été induit dans ces choses-là sans science. Nous parlons des gens qui ont la science et qui sont des athées avec des convictions et ils sont capables d'argumenter et de prouver leur athéisme d'une manière scientifique. Donc le pilier fondamental dans la foi de l'athée, c'est leur pilier fondamental, c'est le reniement du Dieu créateur de toutes choses, le reniement du créateur absolu. Croire en l'inexistence de Dieu. Ça, c'est le pilier fondamental. Et de ce pilier-là découlent d'autres points sur lesquels base l'athée sa conviction. Donc un athée qui dit que Dieu n'existe pas, comme l'a dit explicitement Richard Dawkins, il a dit que c'est impossible de prouver l'inexistence de Dieu. Et c'est pour ça, ça c'est le premier problème, et c'est le point le plus important sur lequel il faut rester focalisé avec un athée. C'est l'existence de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, tous, ils disent qu'on a reçu des preuves qui nous semblent convaincantes et véridiques, comme quoi Dieu existe. Et nous croyons en cela. L'athée, et d'ailleurs l'athéisme, comme son nom l'indique, c'est une réaction au théisme. C'est une réaction à la croyance. La base, c'est la croyance et la foi. Et l'athéisme, c'est un phénomène qui est apparu en... Yani pour confronter la foi et le théisme. C'est pour ça qu'on l'appelle athéisme. Contre le théisme. Il est venu pour contrer la foi en Dieu. C'est pour ça l'athée, pour prouver sa foi, ou bien il doit prouver l'inexistence de Dieu, et ça c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais faire, ou bien il doit montrer la fausseté de la foi en Dieu et de toutes les religions qui existent. C'est pour ça, en réalité, la foi de l'athée, c'est une foi en l'invisible. Car la science expérimentale aujourd'hui n'a pas réussi à démontrer qu'il n'y a pas de Dieu. Et jamais on n'arrivera à démontrer cela. Et quand tu compares ça à la simplicité dans la foi du musulman, qui dit « j'ai reçu des preuves et qui sont suffisamment convaincantes pour moi et ça me permet d'arriver à la certitude en l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses. Je me soumets à lui et je lui voue toutes mes adorations. » Anthony Flew, un des grands philosophes britanniques qui est décédé et un des plus grands athées, a dit dans son livre « There is no God ».« There is no God » dans lequel il explique qu'il n'y a pas de Dieu. Et dans lequel il explique justement le principe fondamental de l'athéisme. Il dit « Le nouveau athéisme L'ancien athéisme, c'est l'ancien des Grecs. Le nouveau athéisme est basé sur la foi en l'inexistence d'un Dieu, ou la foi en l'inexistence d'un être éternel qui est à l'origine de toutes les créatures. Il dit, ça c'est le point fondamental dans l'athéisme. Et pour la validité de la plupart des autres preuves de l'athéisme, il faut le valider. C'est pour ça, j'ai dit, il faut rester focalisé dans un dialogue avec un athée sur le point de l'existence de Dieu. Un autre athée, encore plus acharné, Thomas Nagel, il dit dans son livre « The Last Word », le dernier mot, il dit « Je souhaite que l'athéisme soit une vérité. Et je suis réellement troublé. » Il dit « Je souhaite que l'athéisme soit une vérité. Et je suis réellement troublé quand je vois que la plupart de mes connaissances parmi les hommes intelligents et doués de bon sens et ayant beaucoup de science, je vois qu'ils sont des croyants en Dieu. » Il poursuit en disant, la question n'est pas tout simplement que je ne crois pas en Dieu, et tout naturellement je souhaite être sur la vérité dans ma conviction, mais la question est au-delà de cela. Je souhaite qu'il n'y a pas de Dieu, car je ne veux pas qu'il y ait un Dieu pour cet univers. Donc ça exprime bien la pensée d'un athée ayant la science, car il n'arrive pas à prouver l'inexistence de Dieu. Il veut tellement au fond de lui qu'il n'y ait pas de Dieu. Et il faut savoir que la foi d'un athée en l'inexistence d'un Dieu absolu, créateur de toutes choses, un Dieu transcendant, de cela va en découler beaucoup de contradictions et d'incohérences chez lui par rapport à énormément de points, notamment l'existence de l'univers, l'émergence de l'univers, les règles précises et minutieuses qui gèrent notre univers, la compatibilité de la Terre avec l'apparition de la vie, l'émergence de la vie et des différentes espèces vivantes sur la Terre, l'émergence de l'homme, la libre volonté, le raisonnement rationnel, les instincts, les intuitions, les moralités, et la destination après la mort, et beaucoup d'autres points. Et aussi la question de la beauté. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi dans toutes les espèces que nous voyons dans notre monde, on voit une beauté partout? Pourquoi nos yeux, ils ne sont pas de travers ou là? On parle de l'être humain à la base. Pourquoi il n'y a pas eu l'apparition d'une espèce avec des yeux qui ne sont pas symétriques? Toutes ces espèces qui sont apparues, toutes, elles ont ce critère de beauté. Pourquoi la matière a choisi de garder le beau? Elle a choisi de garder le plus fort? On peut comprendre. Mais pourquoi la nature, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'intelligence, pourquoi elle a choisi de garder le beau? Et dans bien d'autres contradictions que rencontre l'athée dans son quotidien. C'est pour ça que l'athée ne peut jamais connaître l'apaisement ou la quiétude. Il est en permanence troublé et il vit dans une instabilité. Et parmi les points sur lesquels s'appuie la plupart des athées pour légitimer leur athéisme, c'est le point que nous allons commencer à aborder à partir de ce soir, si Allah nous le permet, c'est ce qu'ils appellent le problème du mal ou le dilemme du mal. the problem of evil. Pourquoi, yani comment expliquer ce mal? Il faut savoir que ça c'est parmi les choses les plus fortes sur lesquelles il s'appuie. On a parlé de la théorie de Darwin et on va parler de ce point qui est très important et que le croyant doit bien assimiler et comprendre. Et l'athée, quand il se sert de cet argument, il pense gagner le musulman. Il croit yani, que le musulman, il est comme le chrétien qui a des contradictions dans ses domaines. Dans le domaine du destin et de la prédestinée. Mais pour entamer ce sujet, il y a des points fondamentaux que nous devons comprendre. Il y a des points fondamentaux que nous devons comprendre afin de bien comprendre cette notion du destin. Il faut savoir que le mal n'est jamais attribué à Allah. Car parmi les noms d'Allah, As-Salam, celui qui est préservé de tout mal. Et le prophète, alayhi sallam, a dit, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Le mal ne t'est pas attribué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal dans les actes d'Allah. Le mal qu'on puisse trouver, c'est un mal dans les créatures d'Allah. Et non pas dans les actes d'Allah. Tout ce que Allah fait est un bien. Mais on peut trouver le mal dans ses créatures. Ça, c'est le premier point important. Également, il faut savoir que dans les actes d'Allah, il y a deux catégories de choses. Il y a des choses qui sont un bien pur, un bien absolu, un bien de tous les points de vue. Et il y a des choses qui sont un bien relatif et dans lesquelles il y a du mal, mais le bien est dominant. Le bien prévaut sur le mal dans ces choses-là. Nous allons prendre des exemples pour faciliter la compréhension. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Il nous a été ordonné de chercher refuge auprès d'Allah contre le mal contenu dans ses créatures. C'est pour ça le mal se trouve dans certaines parmi les créatures d'Allah et non pas dans les actes d'Allah. Tout ce que Allah fait est un bien. Ou bien c'est un bien absolu ou un bien dominant. Ou bien c'est un bien absolu, comme la création, comme par exemple, prenons un exemple simple, la santé. La santé, c'est un bien pur, absolu. Tout le monde aime la santé. La maladie, ça peut être perçu comme un mal pour celui qui est malade. Il aurait préféré ne pas être malade. Donc, c'est un mal pour lui. Mais, ça peut être un bien pour lui de d'autres points de vue. C'est une cause de purification, d'expiation. Des fois, c'est une cause pour le rappeler à l'ordre et lui rappeler ses erreurs et ses péchés et pour qu'il arrête. Et aussi, ça peut être un bien pour autrui. Ça peut être un bien pour autrui. C'est pour ça qu'il faut savoir que le mal que nous voyons dans les créatures d'Allah, c'est un mal subjectif, c'est un mal relatif, et non pas un mal absolu. Donc c'est un mal par rapport à celui qui est touché avec. Alors qu'il peut y avoir d'autres sagesses dans ce mal, ou bien pour la personne ou pour autrui. dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et ainsi, tu réaliseras certaines sagesses dans les législations d'Allah. Mais il faut savoir que tu ne pourras jamais réaliser toutes les sagesses qu'il y a dans une seule législation d'Allah. Que dire de toutes les législations d'Allah? Mais l'être humain peut comprendre et réaliser certaines de ces sagesses, comme celles que je viens de citer. Et on va citer d'autres exemples. Et ainsi, tu comprendras que même les choses qui contiennent un mal peuvent être aimées par Allah, car à cause d'elles, il va y avoir un bien aimé par Allah. Je vous donne un exemple. Al-Kafir, c'est un mal en soi. Mais à cause de son existence, il va y avoir énormément de biens qu'Allah aime. Appeler au bien et interdire le mal. Par exemple, la da'wa, appeler à l'islam. S'il n'y avait pas de kafir, qu'est-ce qu'on va appeler à l'islam? Et à qui on va propager le bien? Il y aura aussi l'amour en Allah, l'alliance et le désaveu. S'il n'y avait pas de kafir, comment il y aurait eu ça? Et d'autres formes d'adoration très aimées par Allah. Ça te permet de comprendre certaines, et je dis bien certaines sagesses, contenues dans les législations d'Allah, dans lesquelles tu peux voir dans l'apparence qu'il y a mal. Mais il faut savoir que ce mal est relatif. Et aussi, d'un autre point de vue, pourquoi on se focalise sur le mal qu'il y a dans les créatures? Pourquoi on voit qu'on ne voit pas le bien qu'il y a dans les créatures d'Allah? Et le bien domine le mal. Les personnes carlatées, ils s'appuient sur le problème du mal pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas eu le mal. C'est un Dieu aimant, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu bon. Donc, il n'aurait pas laissé le mal. Donc, déduction irrationnelle, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord. Mais pourquoi tu ne te bases pas sur le bien abondant sur terre pour dire qu'il y a un Dieu? Tu n'as pas constaté que le nombre de personnes en bonne santé est largement supérieur aux personnes éprouvées par des maladies. Tu n'as pas constaté que les endroits dans lesquels il y a des volcans et des tremblements de terre sont minimes comparés aux endroits dans lesquels il n'y a pas ces choses-là. Mais n'oubliez jamais cette parole avec laquelle on a terminé le cours d'hier. L'athée ne croit pas parce qu'il ne veut pas croire. Et je ne généralise pas. Je ne dis pas que tous les athées sont ainsi. Il y a des athées qui ont eu des ambiguïtés et qui sont tombés dans le piège de ces personnes sataniques. Et ils leur ont embelli leur égarement au point de croire que c'est la vérité. Mais il y a d'autres personnes qui sont mal intentionnées, comme celui que je viens de citer, comment il s'appelle d'ailleurs, Annie Had, celui qui a cité Annie, qui s'appelle Anthony Flo. Anthony Flo, qui dit clairement, il aimerait tellement au fond de lui qu'il n'y ait pas de Dieu, qu'il n'y ait pas de créateur de cet univers. Il aimerait tellement que ce soit ainsi. C'est pas il veut connaître la vérité pour la suivre. C'est pour ça, avant de parler avec un athée, explique-lui ce principe fondamental. Sinon, ça sert à rien de discuter avec lui. Explique-lui, est-ce que tu veux suivre la vérité? Ou tu veux juste défendre la chose sur laquelle t'es? Si tu cherches la vérité et tu es sincère dans ta quête de la vérité, la discussion peut être profitable. mais sinon, ça ne sert à rien de discuter avec lui. Aussi, il faut savoir qu'on peut cerner les biens qu'il puisse y avoir dans un mal et on peut ne pas les cerner. Et le fait de ne pas pouvoir les cerner, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Comme j'ai dit hier, l'ignorance n'est pas une science. Le fait d'ignorer les sagesses de l'existence de ce mal ne veut pas dire que ce mal n'a pas de sagesse. Toi, tu n'en connais pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose de très important. L'athée, souvent, il s'appuie sur son ignorance pour argumenter et démontrer une chose. Si toi, tu n'en connais pas, il y en a qui en connaissent. Aussi, le mal que tu puisses voir dans les créatures, ce n'est pas un mal voulu pour soi-même. C'est un mal duquel découlent des sagesses. Un mal voulu pour autrui. Allah a voulu l'existence de certains maux car ils sont la cause de d'autres biens. Et d'eux va découler énormément de biens. Et c'est pour ça que tu trouves que l'homme sensé, doué de bon raisonnement, il va manger un médicament amer et mauvais dans son goût. Pourquoi il le mange? Parce qu'il espère tous les bénéfices de ce médicament, malgré que le goût est amer. Car il espère la guérison. Et aussi, quand on voit parmi les remèdes qui sont appliqués, la cautérisation. Combien de gens vont se faire une cautérisation ou une opération chirurgicale également? Alors que ça comporte beaucoup de douleurs et ça va avoir des séquelles. Même s'il est anesthésié, il ne sent pas la douleur, ça va avoir des séquelles sur sa santé. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il espère un bien derrière cette opération. Quand tu as programmé de faire une balade et qu'il commence à pleuvoir, ça c'est quelque chose que tu ne veux pas et tu aurais préféré qu'il ne pleuve pas pour pouvoir faire ta balade en famille. Mais cette pluie est une excellente chose pour ton voisin qui a un champ juste à côté. Il est heureux de cette pluie. Donc le bien, le mal est relatif qu'il y a dans les créatures d'Allah. Il peut être un mal pour toi, un bien pour autrui. Si tu as compris ces points-là, bi'idnillah, tu n'auras aucun problème avec la notion du destin dans l'islam. Allah a prédestiné toute chose. Tout ce qui se passe dans l'univers a été décrété par Allah. Et les sagesses, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on suppose l'existence du mal, si on suppose l'existence du mal, d'accord, donc, le mal existe bien dans les créatures d'Allah. Mais ce n'est pas un mal absolu, comme on a vu. Et dans lequel il y a énormément de sagesse. Et dans lequel il y a énormément de sagesse. Comme la maladie et comme la pauvreté et ainsi de suite. Aussi, il faut savoir que le mal que nous voyons dans notre univers, dans notre monde, c'est un mal qui contribue dans sa beauté. Quelqu'un peut s'étonner. Comment le mal peut contribuer dans la beauté de notre monde? Naam, car il faut avoir une vision globale de la chose et non pas se focaliser sur un détail. Si on te montre un dessin, un très beau dessin qui a été fait, et que toi tu te focalises sur un trait de ce dessin et tu dis c'est pas beau, ne pouvant être d'accord avec toi que le trait à lui seul, d'une manière isolée, il n'est pas beau, mais c'est avec ce trait qu'on a constaté la beauté de ce dessin. Il contribue dans la beauté du dessin. Donc, quelle est la valeur de la réussite et du succès s'il n'y avait pas de difficultés et d'obstacles? Si tout le monde pouvait réussir, quel sens aura notre vie? C'est pour ça les hommes riches et célèbres et qui disent tout avoir essayé, ils ont tout essayé sauf la foi. Ils arrivent à un degré où ils se suicident, ils mettent fin à leur vie, car il n'y a plus de plaisir. L'enfant, il prend plaisir à manger du chocolat quand tu lui ramènes une fois par semaine, d'une manière occasionnelle. Imagine, tu lui donnes tous les jours, il va finir par se lasser. Donc une vie sans épreuve, c'est une vie lassante. Et c'est pour ça, beaucoup d'hommes aisés, ils finissent par se suicider. Car il n'a plus de difficultés, plus tout est facilité dans sa vie. Il n'y a plus de, comme ils disent, de challenge. Et aussi un autre exemple, si un homme construit un palais d'une beauté extrême, un grand palais d'une beauté extrême, il ne met pas dans ce palais, il ne met pas de salle de bain. Est-ce que ce palais sera parfait une fois que tu auras réalisé cela? Tu es dans le meilleur palais de la planète. Mais quand tu as envie de faire tes besoins, où est-ce que tu vas aller? En dehors du palais? Donc, c'est pour ça, nous disons que le mal qu'il y a dans notre monde contribue dans sa beauté. Ça, c'est aussi un point très important. Et tu ne prends plaisir d'une chose dans ce bas monde qu'après la difficulté. Et plus il y a de difficultés, plus tu vas prendre plaisir de cette chose-là. Et ça, c'est une règle que l'imam Ibn al-Qayyim a citée. Prends un exemple. Quand est-ce que tu profites énormément du sommeil? Quand est-ce que tu prends plaisir énormément du sommeil? C'est quand tu es le plus fatigué. Quand tu as passé une journée très très fatigante, très épuisante, et tu viens te reposer, là, tu profites énormément de ton sommeil. Amma, quelqu'un qui est reposé, il va s'endormir, il se réveille avec un mal de crâne, en général. Aussi, quand est-ce que tu prends plaisir d'un plat, d'un bon plat copieux? C'est quand tu as extrêmement faim. Et plus tu as faim, plus tu vas prendre plaisir à manger ce plat. Et ainsi de suite. Yani, si on parle des relations intimes, c'est aussi quand c'est pas tout le temps. Quand c'est pas tout le temps. Et ça, c'est une règle générale. Donc, ça, c'est quelques points qui concernent ce dilemme du mal sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui et nous continuerons demain, avec la permission d'Allah, à citer les réfutations qui concernent ce point. C'est un point, comme je vous ai dit, extrêmement important, qu'il faut bien maîtriser. C'est le point le plus important sur lequel s'appuient beaucoup d'athées, car la plupart des athées, ils deviennent athées après avoir subi une grosse épreuve comme celui que je vous ai cité, Nietzsche. Nietzsche, il a perdu son père, et peu de temps après, il a perdu son frère, qu'il aimait énormément, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il a parmi les causes qui l'ont fait pousser vers l'athéisme, alors qu'il est né dans une famille religieuse, une famille croyante. Et c'est devenu un emblème de l'athéisme à notre époque. Cet homme a fini totalement paralysé, il a perdu la voix, et heureusement pour lui qu'il avait une sœur qui s'est occupée de lui. Sinon, selon sa croyance, il serait jeté dans une poubelle, car il ne servait plus à rien. Et c'est triste à dire, mais c'est ça l'aboutissement rationnel des convictions des athées. L'homme n'a aucune valeur à leurs yeux. Contrairement à la valeur que la religion a donnée à l'homme, Allah Azza wa Jalla dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Allah a honoré l'homme. Il l'a honoré. Il lui a donné un statut élevé. Contrairement au statut qu'accordent les athées à l'homme. C'est un animal comme tous les autres animaux. C'est une bactérie qui s'est développée. C'est ça l'homme pour eux. Wallah al-musta'an, nous demandons à Allah de nous montrer la vérité telle qu'elle est et de nous permettre de la suivre et de nous raffermir sur la vérité jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.